بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا في دراسة هذا الأصل العظيم الذي ذكره المؤلف في كتابه ألا وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى وكما تعلمون وربما لاحظتم هذا الأمر أن الباب طويل جدا فذكر المؤلف في هذا الباب أولا الأدلة على عدم مشروعية الخروج على السلطان بالسيف والكلام وبعد ذلك ذكر فتنة الإمام أحمد وما جرى في زمانه من فتن ومحن عظيمة مع الواثق والمأمون والمعتصم ثم فسر المؤلف بعض الأدلة التي تتعلق بهذه المسائل العظيمة وبعد ذلك ذكرنا أقوال السلف في هذا الأمر والآن ندخل في رفع الشبهات المبتدعة الذين يستشهدون بقصة الحسين وغيرهم من السلف على كما يزعمون مشروعية الخروج على السلطان إن كان ظالما أو فاسقا أو كافرا يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيها قد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا ولكن خرج الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل طيب Donc ici mes frères le cours comme l'a proposé l'auteur de ce livre portera sur le fait d'enlever les ambiguïtés qui pèsent sur la communauté concernant ce principe, à savoir, est-il permis de sortir sur le gouverneur pervers ou mécréant ? Nous avions vu, nous avions montré, walhamdulillahi rabbil alamin, que cet acte-là est strictement interdit au regard des textes religieux et au regard aussi du consensus des salafs. Ijma' al-salaf fi dhalika. Et je vous avais rapporté la semaine dernière que l'imam al-Bukhari a dit « J'ai rencontré pas moins de 1000 savants de Mecca, wal-Madina, wal-Kufata, wal-Basra, wal-Wasita, wal-Baghdad, wal-Misra, wal-Hijaz. Kulluhum muttafiquna ala adabi mashru'iyati al-khuruj al-sultan bis-saif. » Tous étaient unanimes pour dire qu'il est interdit de sortir et de se rebeller contre le gouverneur avec l'épée. Non ? Mais les innovateurs, les gens qui sont enclins à la déviance, justement vont prendre des cas isolés dans l'histoire pour s'appuyer sur ces faits isolés et en déduire un statut juridique ou une règle religieuse. Yaqul al-mu'allif, ceux qui sont sortis auparavant, contre le gouverneur, leur acte n'est en rien un argument à faire valoir. La hujjata fiha. Beaucoup de gens argumentent en disant « Mais Al-Hussein est sorti !» Sur Yazid ibn Muawiyah, comme on va le voir. ainsi que Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, est sorti et est devenu prince des croyants, et il est le plus en droit d'être ainsi, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père et l'ensemble des compagnons. Et un tel sont sortis parmi les pieux prédécesseurs, comme nous avions évoqué ces troubles qui ont survenu en l'an 81 de l'Hégire avec Ibn al-Ash'ath al-Kindi, Abdurrahman ibn al-Ash'ath al-Kindi, ou Sa'id ibn Jubair est sorti contre le Hajjaj et d'autres grands savants qui ont été touchés par cette épreuve. Alors les gens d'innovation qui veulent justement légitimer la rébellion contre le gouverneur prennent ces cas isolés dans l'histoire et disent « Regardez ce qu'ils ont fait les salafs. » Et ils sont sortis. Pourquoi vous nous critiquez alors dessus ? Alors ils disent « et un tel sont sortis parmi les pieux prédécesseurs. » Que dit Cheikh Raslan ? Fayuqal. Où on dit « Ha'ulai yuhtadju lahum wa la yuhtadju bihim. » Ça, c'est une règle en art, mes frères, que vous devez connaître. « Yuhtadju lahum wa la yuhtadju bihim. » Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un argument à part entière sur lequel on s'appuie pour en tirer des règles religieuses. Non. Par contre, ça devient un argument dès lors qu'ils sont en corrélation et en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, nahtadju lahum, ou yuhtadju lahum, c'est-à-dire que dès lors qu'on a les textes du Coran et de la Sunna, c'est nous qui viendrons appuyer leurs actes s'ils sont conformes. Par contre, on ne prend pas de leurs actes ou de leurs dires en fermant les yeux sur les textes religieux et en disant ce qu'ils ont fait, c'est légitime. Vous avez compris, les frères ? Autrement dit, al-isma, c'est quoi ? C'est l'infaillibilité. Elle ne réside que dans la parole d'Allah et la parole du prophète et le consensus des sahaba. Si un homme dans l'histoire, fût-il un grand imam, a fait quelque chose qui est contraire à la sunna, on ne prend pas de lui. Fût-il Abu Bakr, fût-il Hussein ibn Ali, fût-il Ali ibn Abi Talib. وَمَا وَقَعَ مِنْ بَعْدِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ فَالْحُجَّةُ فِي مَا قَالَهُ اللَّهُ وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال له لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت. L'argument à faire valoir réside concernant ce qui s'est passé chez les salafs parmi les compagnons et autres dans ce qu'Allah a dit et dans ce que son envoyé a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ceci qu'au début du chapitre nous avons évoqué quoi? Les versets d'Allah et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il ne reste plus aucune ambiguïté. À partir de ça, lorsque nous avons les textes religieux, selon la compréhension des salafs, tout ce qui va se dérouler dans l'histoire devra être examiné et jugé selon ce qu'on a déjà appris par rapport au verset coranique et au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pas le contraire. On ne prend pas l'acte de l'Hussein ibn Ali, radiallahu tabaraka wa anhu, et on essaie de chercher dans le Coran et la Sunna ce qui vient appuyer son acte. La yuhtadju bihi. Taïb. Si vous avez compris ça, Inch'Allah, Alhamdulillah, les choses vont être très claires. Donc, il dit, l'argument réside dans le livre d'Allah, la sunna du prophète, concernant ce qu'ont fait les compagnons et ceux qui les ont suivis. Les compagnons ainsi que les grands tabi'in réprouvèrent ceux qui se révoltèrent parmi leurs frères. Naam. Abdullah ibn Abbas a réprouvé le fait que le Hussein partit vers le Koufa, pour que les gens lui fassent allégeance. Et lui dit, si ce n'était pas le discrédit sur toi et moi, j'aurais enfoncé ma main dans ta tête. Si je savais que tu resterais quelque temps, je l'aurais fait. Puis il pleura. Il pleura car Al-Hussein ne l'a pas écouté. Il est parti. Alors Ibn Abbas, il savait que Al-Hussein était en train de faire une grave erreur. Il lui a dit, si je pouvais, j'aurais enfoncé ma main dans ta tête. Afin que tu ne sortes pas de Médine. Ou plutôt de Mecca, car à ce moment-là, il était à Mecca. Abu Sqa wa qala lahu Abu Sa'id al-Khudri ittaqillah walzam baytak. Crains Allah et reste chez toi. Naam, rappelez-vous, c'est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman. Naam, fi waqt al-fitan. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي حذيفة بن اليمان في وقت المحن والفتن بلزوم البيت نعم إلزم بيتك واعتزل الفرق كلها ولو كنت عض على أصل شجرة ثم يدركك الموت وأنت على ذلك dans des troubles on ne participe avec personne on reste chez soi et on tient sa langue et sa main. Non. Même si tu devais t'accrocher à un arbre pour pas participer à ces troubles, où les choses elles sont ambiguës, où les étendards, tu ne sais pas pourquoi ils sont levés. Si c'est pour Allah ou si c'est pour autre chose. Donc, s'abstenir. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu tabaraka, par sa science et par la connaissance des hadiths du prophète, il a dit, ilzam baytak, ittaqillah wa ilzam baytak. Crains Allah et reste chez toi. Wa kallamahu jabirun, وأبو واقد الليثي وآخرون من الصحابة قل لهم نصحوه أن يلزم بيته فأبى إلا الخروج وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه de même que Amra lui a écrit en lui donnant, en lui montrant l'importance et la gravité de ce qu'il était en train de faire et en l'informant qu'il s'acheminait vers sa mort. Naam. Wa kataba ilayhi Abdullah ibn Ja'far yuhadhdhiruhu wa yunashiduhu Allah. Et Abu Ja'far lui écrivit et le supplia de rester. Hada mahall ittifaq bayna as-sahaba ya akhouti al-kiram. Comment après on peut dire oui mais le Hussein il est sorti. Et pourquoi ils n'ont pas dit ces gens-là oui mais tous les sahaba l'ont interdit ou l'ont empêché ou l'ont mis en garde. Wa qala ibn al-Musayyib at-tabi'i sayyid at-tabi'in لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. S'il n'était pas sorti, ceci aurait été préférable pour lui. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه. Les savants à l'unanimité sont unanimes pour dire que les gens parmi les sommités, parmi les salafs comme Al-Hussein, comme Abdullah ibn Zubair, comme Saïd ibn Jubair, qui est sorti sur le Hajjaj ibn Yusuf. Comme Amir al-Sha'bi aussi. Tous ces gens-là, min ahl al-Fath, qui sont sortis, ce ne sont que des erreurs d'interprétation. Ça s'appelle ijtihad un khati. Et celui qui fait ces ijtihadat, ces interprétations erronées, on ne le suit pas dans ses erreurs. C'est clair et net, mes frères. L'âme, si on sait qu'il est dans l'erreur, on le suit ou on ne le suit pas. Fustil Abu Bakr, radiallahu tabarak. Regardez bien ici. ولذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وغيره وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا. Regardez ce qu'il dit ابن حجر. ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنهم لم يؤدي إلى شيء بل أدى إلى محن كبيرة. Il a dit ابن حجر, la révolte contre les gouverneurs injustes est une voie ancienne chez les salafs. Et on va voir que ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct chez Ibn Hajar. Il a dit, la révolte contre les gouverneurs injustes est une voie ancienne chez les salafs. C'est comme s'il disait, c'est quelque chose qui était connu avant. Mais après, lorsqu'ils ont vu tous les désagréments que ça a occasionné, ils se sont abstenus de le faire. Donc il dit, je rapporte la parole d'Ibn Hajar, il dit, la révolte contre les gouverneurs injustes est une voie ancienne chez les salafs, mais ils s'en sont détournés et interdisent la révolte car elle n'aboutit à rien de bénéfique, mais au contraire, elle occasionne beaucoup de troubles. Regardez ce que dit Cheikh Raslan fil Hamish, en bas de la page. Wa kalamu ibn Hajar, rahimahullah tabarak wa ta'ala, la yusallam. La parole d'Ibn Hajar n'est pas concevable. Ce qu'il vient de dire, c'est pas concevable. لأن النصوص متكاثرة على الأمر بالصبر عند جور الأئمة وعليه أتبق من سلف دعوة وعمل فكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا il dit Cheikh Raslan la parole d'Ibn Hajar n'est pas acceptable car les textes religieux sont nombreux concernant la patience à observer face à l'injustice des gouverneurs c'est les preuves que nous avions évoqué les deux ou trois cours précédents. Tous les textes qui nous interdisent, interdisent de sortir sur le gouverneur, même s'il était un grand, même si c'était un grand oppresseur ou un grand injuste. Donc, les salafs, ils s'interdisaient de sortir sur le gouverneur, non pas par le simple fait qu'elles occasionnent beaucoup de méfaits, mais parce que le prophète l'a interdit, C'est en ceci que la parole de Ibn Hajar n'est pas acceptable. Car lui, il dit, c'était une voix des salafs, déjà, anciennement. Cher Aslan, car les textes religieux sont nombreux concernant la patience à observer face à l'injustice des gouverneurs, et sur cette base s'appliquent les salafs dans la prédication et dans l'application. Comment la révolte contre les gouverneurs injustes peut-elle être une voie ancienne chez les salafs alors que tous ces textes-là, ils sont présents? Donc c'est une erreur de Ibn Hajar. Cette parole-là n'est pas acceptable. Rahimallahu tabaraka wa ta'ala. ومن كيد الشياطين أن الروافد ما زالوا يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني ما زال الروافد إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه باعثا لإثارة المسلمين حتى من أهل السنة. Ça c'est important mes frères, car c'est quelque chose qui nous concerne tout particulièrement. Parmi les ruses des démons, les rawafid ne cesse de s'accrocher et s'obstiner sur ce qui se passa avec le Hussein ibn Ali. C'est-à-dire, le Rawafid ne cesse jusqu'à aujourd'hui d'utiliser le meurtre de Hussein comme un moyen pour provoquer et attiser les passions des musulmans. En disant, regardez le Hussein, c'est un martyr, ils l'ont tué injustement, et il fait partie de la famille du prophète. Ils encensent les foules comme ça, afin que on ait pitié. On a pitié. On aime le Hussein. Walakin, ils veulent par ceci ramener les musulmans à leur cause. En disant, ceux qui sont avec le Hussein, ils sont avec nous. Donc, vous devez vous désavouer de tous ceux qui l'ont combattu. Et parmi eux, en premier lieu le calife, Yazid ibn Muawiyah, et tous les compagnons. Etc. Vous voyez comment ils rentrent par la porte de des émotions, des sentiments. Ça, on l'avait déjà vu, mes frères. Al-Bida, il rentre par les sentiments pour induire en erreur les gens de la Sunna. Notamment, les sentiments ou l'amour qu'on porte envers les gens ou la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ajabin anna mukhattata rawafid yaghfuru anhu kathirun min ahli sunnati. فأهل السنة منشغلون بخلاف السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الرابد المتربص بل المتسلل من بوابة الطرق الصوفية ومن مصر وحدها ما يزيد على 76 طريقة صوفية. Ce qui est étrange, c'est que la plupart des gens de la Sunna sont insouciants et ignorants des plans élaborés par les Rawafid. Les gens de la Sunna sont occupés par toutes les choses qui sont contraires à la Sunna et ne prennent pas en considération cet ennemi qui est comme un lion aux aguets. Cet ennemi est comme un lion aux aguets s'infiltrant par les portes des voies soufis. Rien qu'en Égypte, il n'y a pas moins de 76 voies soufis. Il n'y a pas moins de 76 voies soufis. Effectivement, Rawafid, qui durant la présidence de Hosni Moubarak, Rawafid, ils étaient presque inexistants, éparpillés, ils ne formaient pas de groupe, ils étaient cachés. Depuis que le gouvernement est tombé, à leur tête, il y a eu Ikhwan Muslimin, Aslahahumullah. Chiites sont rentrés en Égypte. Non, mes frères, les Chiites sont rentrés en Égypte. Des pactes ont été conclus. Et ils se sont infiltrés parmi les voies soufis. Regardez ce qu'il dit, Cheikh Raslan. وَقَدْ يَتَفَغْرَعُ مِنْهَا مَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ وَهَذِهِ الطُّرُقُ الصُّوفِيَّةُ هِيَ بَوَّابَةُ التَّشَيُّعُ فِي مِصْرَ وَهُوَ مُخَطَّةٌ سِيَاسِي وَلَيْسَ بِمُخَطَّةٍ دِينِي. فالثابت المقرر أن الروافد حرب على أهل السنة وخياناتهم للسنة وأهلها على مدار التاريخ معلومة وأهل السنة لا ينتبهون من غفلة ولا يفيقون من غفوة وهؤلاء الأفاعي يدخلون على المسلمين من أهل السنة من باب حب أهل البيت كما في مصر. Il dit, il en découle des voies secondaires de ces voies soufis, de ces 76 voies soufis, il en découle des voies secondaires plus nombreuses que celles-ci. Les voies soufis sont autant de portes d'accès pour l'infiltration et l'installation du chiisme en Égypte. C'est un plan politique et non religieux. Ce qui est établi et connu chez les gens de la Sunna, c'est que les Rawafid ont déclaré la guerre aux gens de la Sunna depuis le début. Leur traîtrise envers les gens de la Sunna à travers l'histoire est connue. Et les gens de la Sunna, de par leur insouciance, ne font pas attention à ceci et de par leur somnolence ne se réveillent pas. Ces vipères abordent les gens de la Sunna par le biais de l'amour envers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le serpent qui va mordre et qui va cracher son venin et qui va repartir. Non, c'est comme le cas en Égypte. Donc, Cheikh Hassan, il parle de quelque chose qu'il est en train de vivre, qui se voit actuellement. لقد خرج الحسين رضي الله تبارك وتعالى ووقع ما وقع بقدر الله تبارك وتعالى. Certes, Hassan est sorti et il s'est passé ce qui s'est passé par là, le décret d'Allah تبارك وتعالى. وما زال الروافد يتخذون ذلك تكئة لإحداث كثير من الشر بين جماهير المسلمين وعلى أهل السنة أن يحذروا ويلزموا الجماعة ولا يساهموا في الفوضى. Il dit, certes, Al-Hussein est sorti et s'est passé ce qui s'est passé par la volonté d'Allah. Les Rawafid ne cessent de s'appuyer sur ceci afin de provoquer beaucoup de mal et de troubles parmi la masse des musulmans. Il convient aux gens de la Sunna de se méfier, de s'accrocher au groupe et de ne point participer au désordre et à l'anarchie, comme ils veulent le faire. ومعلوم من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمامة إلا بالسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد ومن العدول عن سبيل الهدى والرشاد. Il est certes connu dans la religion de l'islam qu'il n'y a pas de religion sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imam. On parle d'imam ici, de gouverneur. Rappelez-vous la parole de l'Hudayfa Tabl al-Yémen. Fama ta'amuruni in adrakani dharika. Ces troubles-là, que m'ordonnes-tu si je dois les subir, je dois les vivre? Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Accroche-toi au groupe des musulmans et à leur imam. Le groupe des musulmans, mes frères, on avait dit que ce sont ceux qui sont sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de s'attacher ou de rester dans l'allégeance, sous l'allégeance du gouverneur musulman. Ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Même si toi tout seul, tu t'accroches au gouverneur, c'est toi le groupe. Les frères, la notion de jama'a est une notion qualitative. Laisse est pas quantitative. Elle peut être quantitative. Ça peut être la masse aussi. Si elle est sur la voie du prophète, à cette fois-là. Voilà qu'une des caractéristiques qui nous différencie des gens de la soude, des gens de la bid'a, c'est justement que on donne l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. C'est pour ceci que vous retrouvez ce mas'ala qui est un mas'ala fiqhi à la base. C'est une problématique de jurisprudence. Mais on la retrouve toujours dans les livres de Aqidah. Pour quelle raison? C'est justement pour montrer que les gens de la Sunna, ils se différencient des gens de la Bid'a avec ceci, avec ce principe-là. Donc même si vous êtes tout seul à vous accrocher au groupe, accrochez-vous à lui, Inch'Allah. Même si c'est le Hajjaj ibn Yusuf. On a eu des gouverneurs. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Hussein, Abdel ibn Ziyad. C'était des gouverneurs, Al-Musta'am. Comment dit-il le meurtre de Hussein? Je ne sais pas si un gouverneur à notre époque, il oserait le faire. Malgré ceci, les sahabas sont restés sous. Je ne vous ai pas parlé de Yazid ibn Muawiyah, car Yazid ibn Muawiyah, quand il a appris la mort de Hussein, il a pleuré. Il a pleuré, et il a pris sous son aile tous ceux de Al-Bayt qui étaient encore vivants, parmi les petits. Il les a tous pris sous son aile, il les a akramahum, c'est-à-dire il les a honorés. Il leur a donné les plus beaux vêtements, il les a mis à leur place, et il les a fait repartir vers Médina ou à Mecca sous escorte. Tout ceci pour vous dire qu'il n'y avait pas de, comme disent les Rawaf et des autres, il n'y avait pas de dispute et de rancœur et de rancune envers Al-Hussein ou Yazid ibn Muawiyah. Donc il dit, pas de groupe sans imam, et il n'y a pas d'imam sans écoute et obéissance. Et que la rébellion à l'obéissance du gouverneur et la révolte contre lui est une des plus grandes causes de désordre dans les contrées et parmi les serviteurs et est un éloignement au chemin de la guidée et de la droiture. Hassan al-Basri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, je viens corriger l'erreur ici, inshallah. J'avais dit que le Hassan al-Basri avait participé à la fitna d'Ibn al-Ash'as, et qu'il était sorti. Astaghfirullah, ce n'est pas vrai. Son fils, oui, pas lui. Hassan al-Basri, il s'en est lavé les mains. Et lorsqu'on l'a incité, les gens, ils venaient, ils lui disaient, fais le pacte d'allégeance à Abdelrahman ibn al-Ash'as contre Abdelmalik ibn Marwan ou al-Hajjaj ibn Yusuf. Il a trouvé la moindre occasion d'insouciance de leur part pour qu'il s'est enfui. Et Hassan al-Basri fait partie des grands imams qui sont restés fermes sur la position des gens de la Sunna. Il a dit, قال حسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون كما رواه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. Il dit حسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه, par Allah la religion ne tient que par le détenteur de l'ordre, même s'ils font preuve d'injustice et d'oppression. Par Allah, Allah réforme par leur biais plus que le désordre qu'ils commettent eux. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient en place occasionnera toujours plus de bienfaits par rapport au désordre et à l'injustice qu'ils commettent à leur peuple. Non. Plus que si on devait les destituer et au final rester sans gouverneur et sans imam. Car quand on n'a plus de gouverneur, quand on sait qu'à sa tête, il n'y a personne qui va te dire ou qui va te châtier si tu fais quelque chose de pas bien. Au final, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'adonnent à toutes sortes de choses, à leur passion. Cheikh Hassan, il va en parler, Inch'Allah. Innahu idhan tazamat umurul ibad hatta ma'al jawr fahuwa khayrun من انفلات أمور الخلق كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعاقب الغزو الكافر. Donc ici, Cheikh Raslan, il parle de ce qui s'est passé en Irak récemment. Non. La première et la deuxième, mais surtout la deuxième. Elle a eu beaucoup plus de conséquences néfastes que la première. Il dit, certes, dès lors que les affaires des gens s'ordonnent, s'organisent, fussent-elles sous un gouverneur injuste, ceci est préférable à la dispersion et le désordre dans leurs affaires. Non. Comme ceci se déroula et dont fut témoin les musulmans d'Orient et d'Occident lorsque le pouvoir central de Bagdad tomba à la suite de l'invasion des mécréants. Non. Lorsqu'ils sont tous abattus sur Saddam Hussein, qu'est-ce qui s'est passé au final? Chacun a réclamer le pouvoir, les chiites, les kurdes et toutes les minorités. Chacun a voulu sa part du gâteau. Et au final, qui c'est qui regarde de loin qu'est-ce qui se passe et qui attend juste le bon moment pour s'emparer? Al-Adou al-Mutarabbi, c'est le kafir. Cheikh Hassan, il va en parler, Inch'Allah. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Et la situation en Irak, elle n'est pas réglée, mes frères. Il dit, il n'est pas concevable qu'une personne puisse cheminer sur un chemin ou s'agiter dans la société et qu'il soit convaincu que personne parmi les créatures ne le surveille ou ne le saisisse suite à un acte qu'il aurait fait ou à un propos prononcé sans que par la suite il ne puisse faire ce qu'il veut, c'est-à-dire ni la religion ne l'empêche, ni la loi ne le saisit. C'est-à-dire, il est libre. Le pouvoir central l'a abandonné et l'a laissé au dépourvu. L'âme. Regardez à la suite des révoltes du printemps arabe, comme il l'appelle, le printemps arabe, qui en fait n'est pas un printemps, c'est un printemps pour les koufars, oui. Eux, pour eux, c'est un printemps. Car c'est eux qui bénéficient au final. Pour nous, c'est pas un printemps, c'est un hiver glacial, ou c'est un été brûlant. Eh ben, mes frères, les boutiques, elles ont été pillées. Les bâtiments, ils ont été détruits. Les femmes, elles ont été violées. Les biens, ils ont été spoliés. Les honneurs, ils ont été bafoués. C'est vrai ou non? Est-ce que quelqu'un peut nous contredire sur ceci? Ouvrez le Jazeera. Hein? Canal El Jazeera, jusqu'à maintenant. Nuit et jour, ils parlent des problèmes dans les pays arabes. Du sang. C'est pour ça que même cette chaîne-là, ça fait longtemps que je la regarde plus. Aïna Koubatul Muslimin. Aïna El Muslimoun. Nuit et jour, ils nous passent des images de musulmans qui sont en train de se faire déchirer à Gaza. Ils sont en train de montrer des images. Subhanallah, on dirait que déjà on est dans une situation précaire. Et en plus de ça, ils passent en boucle des images qui nous cassent le moral. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Et dan yakoul shir. Falamma saqatat ra'a an-nas bi'ayunihim fil 'alam kullihi al-fasad wa al-fawda. Lorsque le pouvoir il est tombé, les gens ils ont vu de leurs propres yeux l'anarchie et le désordre dans les pays arabes. Là, in tuhikat al-a'rad wa nuhibat al-amwal wa ghuribat al-marafiq. Donc les honneurs ils ont été bafoués, les biens ils ont été spoliés, les établissements ils ont été détruits. Ma'a anna al-ihtilal waqafa nadira. Écoutez bien ce que dit Cheikh Raslan. Alors que la force d'occupation, l'ihtilal, waqafa nadiran. Lui, il s'en est tenu, juste il regarde. Il n'a pas participé. Ils ont participé aux révolutions. Waqafa nadiran, yani, lam yusharik fi hada fi bad'il amr, fi bad'il amri. وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعْ وَقَعْ مِمَّنْ يَنْتَمُونَ إِلَى بَلَدِ أَنْفُسِهِمْ. Donc, ils n'ont pas participé au début. Ils ont laissé les gens se battre entre eux, hein, jusqu'à ce que le wali, il tombe. Hein, et ensuite, après, ils ont commencé à s'ingérer dans les affaires du pays. Comme en Libye. Libye, c'est un exemple flagrant. Même en Irak aussi. Ils se sont battus. Au final, ce sont les multinationales qui se sont implantés en Libye et qui ramassent tout le pétrole. Et le pouvoir libyen, ils ramassent les miettes. وَكَذَلِكَ فِي الْعِرَقِ نَفْسُشِي. Tout ceci à cause de quoi? Nous avons contredit les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a suivi quoi? Facebook ou Twitter. Et ceux qui sont derrière eux. وَالْفَوْضَى إِذَا وَقَعَتْ فَلَا عِرْضٍ وَلَا مَالٍ وَلَا حُرْمَ لِدَمٍ. L'anarchie, quand elle survient, aucun honneur n'est respecté, aucun bien n'est gardé ou préservé, et aucun sang n'est préservé. Là, وهذا كله إنما تؤدي إلى تلك الحزبيات البغيضة التي تنعق هاهنا وهنالك بحماسة مريضة وقد تكون قائمة على نية قوية صحيحة. Il dit, l'anarchie, lorsqu'elle survient, toutes ces choses-là, elles ne sont plus respectées. Non, c'est des choses essentielles pour l'homme. Son honneur, son sang, ses biens. Tout ceci n'a eu comme effet que de créer ce partisanisme ou ce sectarisme exécrable. Et ce sectarisme exécrable, comme il dit Cheikh Raslan, tan'aku, c'est-à-dire qu'il croisse. Tan'aku, na'aka, yan'aku, c'est le bruit du corbeau. C'est quand il croisse. Hein? Qui croisse de toutes parts avec une ferveur maladive, pouvant être basée sur une attention ferme et sincère, mais contredisant la voix de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que Sa'id ibn Jubair, lorsqu'il est sorti sur le Hajjaj, il avait une bonne attention. C'est un grand imam, Sa'id ibn Jubair. Il avait beaucoup de science. On ne remet pas en cause Saniya. Amir Shabi, on ne remet pas en cause Saniya. Mais le kibar est tabi'i. Walakin, khalafu, menhaj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont contredit la voix de l'envoyé d'Allah. Al-Husayn, radiallahu tabaraka wa ta'anhu, la shakka anna niyatahu kanat sahiha, thabita, walakin khalafa man haja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Izan, yanbaghi an yuhadhara al-muslimuna min anthari hadhihi al-umur, wa yajibu ala al-muslimi an yakuma ala min haja al-nubuwa, li'annahu la najata illa bithalik. Cheikh Raslan dit, il est nécessaire que les musulmans soient mis en garde contre tout ceci. Naam. Et il est obligatoire pour le musulman de cheminer sur la voie prophétique. Minhaj al-Nubuwa, car c'est la seule voie de sauvetage. Voilà mes frères, c'est la seule voie de sauvetage. Al-Wajib, al-Sabr al-Jawr, hatta yastariha baghrun ou yastaraha min fajr. Naam. Al-Sabr al-Jawr, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم من رأى في أميره شيئا يكرهه فليصبر. Celui qui voit chez son gouverneur quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente. ومن فارق الجماعة شبرا ومات مات ميتة الجاهلية. Celui qui s'écarte d'un empan du groupe et qu'il meurt, il mourra une mort comparable à celle des gens d'avant l'islam. حتى يستريح بغرون, jusqu'à ce que le bon se repose et que l'on soit préservé du pervers. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed. Lorsque les gens venaient le voir, ils lui ont dit, ils l'ont encensé, ils lui ont dit, on a une armée derrière toi, contre le Wafiq. Il a dit là, Esbiru, Sabr, Sabr, fi hadid umur, Sabr, naam, hatta yastariha, bagrun, au yustaraha min fajr, jusqu'à ce que l'homme pieux se reposera. C'est-à-dire, lorsque Allah enlèvera toutes ces calamités, l'homme pieux se reposera et on sera débarrassé du pervers. Wa qala Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, as-sabr ala jawri al-a'immati aslun min usul ahli sunnati wal jama'a. Cheikh Islam dit, la patience sur l'injustice et l'oppression des gouverneurs est un des fondements de la voie des gens de la sunna. Non, mes frères, ne soyez pas trompés, barakallahu fikoum, sur tout ce qui se dit sur Internet ou dans certaines mosquées en France, ou ce que aiment à répandre des jeunes ou moins jeunes, hein, en essayant de se révolter par la parole d'abord. En général, ils ne passent jamais à l'acte, ces gens-là. Mais ils se révoltent par la parole. Et nous avions montré que la parole en elle-même, c'est une révolution. C'est une révolte aussi. Non, ne soyez pas trompés. Lorsque vous entendez quelqu'un dire ou parler sur un gouverneur, sachez qu'il est en train de suivre une voie qui était celle des Khawarij. Comme l'a dit l'imam al-Ajuri. Non, man takallama ala al-hakim wa ala wali al-amri bis-su yat'anu fihi fayadhhabu madhhab al-Khawarij. Fawa khariji. Non, ne soyez pas trompés, fermez vos oreilles, partez. Partez en courant. Comme c'est le cas d'une manière générale avec les gens de l'innovation. Wa hadha haqqun. لأن الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. Ceci est une vérité, mes frères, car la patience sur l'injustice des imams et leur oppression ne ramène que quoi? Que le bienfait, que des avantages, et repousse les inconvénients et les méfaits. Naam. Et ceci est dans l'intérêt des pays et des serviteurs. واخيرا اذكركم بقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قضم الملح في الجماعه احب الي من ان اقول الفالوذج في الفرقه اخرجه البيهقي في الشعب شعب الايمان باسناد صحيح. Il dit, ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما, il dit, le grignotement du sel avec le jama'a, mais préférable que le falouzaj. Le falouzaj, c'est un gâteau, na'min al-halwa, qui est fait avec de l'amidon et du maïs. Ceci, mais préfère le grignotement du sel avec le groupe, mais préférable au fait de manger ce gâteau, mais d'être dans la dissension et dans la division. Aqtafi بهذا القدر وصلي وسلم على نبينا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقهرنا فيه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.